quelque chose. Il est entre dans mon cœur, n'est pas de bonheur dont je connais le cause. Je sens en moi.